Les grands feuilletons de France Culture. Le mystérieux docteur Cornelius. 23e épisode. Graves événements à l'île des pendus. La revanche est donc tombée au pouvoir de la main rouge. Quelle triste fin d'expédition. André de Maubreuil, Frédéric Bondona, Antoine Pagano, Roger Ravenel et Agénor Marmousier attendent sans grand espoir le sort que leur réservera le redoutable Slug. Ils ont pourtant des partisans à bord. Le Dorifa, Pierre Gilkin et ses amis. Et Slug doit bien en tenir compte. Il a bien promis de les libérer à la première escale. Mais peut-on croire aux promesses de la main rouge? Ils en doutent. Et ils n'ont pas tort. En effet, la revanche vogue maintenant vers l'île des pendus où Slug compte bien les remettre au Lord de la main rouge. Mais pendant ce temps, que se passe-t-il dans l'île des pendus? Allô, Job Fancy? C'est toi? Hé, il y a un navire étranger qui approche de l'île des pendus. Il vient du sud. Oui, d'accord, attends, on va voir. Hé, hey, Charlie! Oui? Tu peux voir ce que c'est comme bateau? Oui, attends. Tant que j'irai avec ma longue vue. Voilà, c'est fait. On dirait un cargo. Il bat pavillon hollandais. Dis donc, il approche du champ de mine, merde! Allô, Job Fancy? C'est un cargo irlandais. Hé, hey Charlie, qu'est-ce qui se passe? Il a sauté sur une mine, dis donc. L'explosion l'a rejeté sur les récifs. Dis donc, quoi, c'est comme il est pas prêt de couler, hein? Hé, hey, allô, Job. Le Hollandais s'est échoué sur les récifs. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, d'accord, je m'en occupe. Allô, le port? Préparez la grande chaloupe à moteur. Oui, 20 hommes armés à bord. Et attendez, Job Fancy vient avec vous. Je voudrais voir le capitaine de cette baignoire. Qui est-ce? C'est moi. Willem van Bloek, capitaine de la Belle Dorothea. Et nous avons sauté sur une mine. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que cette île ne figure pas sur la carte. Où sommes-nous donc? Jamais depuis que je navigue. Cette île s'appelle l'île Saint-Frédéric. Elle appartient aux États-Unis d'Amérique. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il dans ces caisses? Attention, capitaine, hein? N'essayez pas de me jouer un sale tour, mes hommes sont armés! Puisque nous sommes sur le territoire américain, maintenant je peux bien vous le dire. Vous voyez ces caisses de dynamite là sur le pont? Ce sont des passagers clandestins que j'ai chargés à Vladivostok, des terroristes russes. Je dois les emmener en Amérique. En voyant l'île au loin et ne sachant pas où nous étions, je les ai de nouveau enfermés dans leurs caisses. Carl, va chercher des outils. Ah, laissez-nous faire, hein, je me méfie. Hé, hey, vous, les trois, que cinq hommes aillent ouvrir ces caisses. Les autres, gardez vos armes prêtes. Et puis un peu vieux, il a la barbe et les cheveux de Mathusalem. Ouais, t'as vu ses binocles, il est maigre comme un coucou à lunettes. Mais il est complètement à poil. Hey, silence, vous autres. Allez, monsieur, sortez de cette caisse, qui êtes-vous? Je suis Stepan Romanov, patriarche dans la nouvelle secte des vitalistes mystiques. Des vitalistes mystiques? Ne vous moquez pas. Très bien, vous nous expliquerez ça plus tard. Hein. Alors, vous autres, vous dépêchez d'ouvrir les autres caisses. Vous voyez, on va pas passer toute la journée sur ce bateau, non? Vous avez vu la bonne femme? Hey, un vrai hippopotame. Hey, t'as vu ces nichons? Hey, bon gueule! Je vous en prie, madame, puis-je vous aider? Une de vos adeptes, je suppose, monsieur le patriarche? Ma légitime épouse, Ivanovna Romanov. Oh, mes hommages, madame. Stéphane, que dois-je répondre? Rien, respire et tais-toi. Mais Stéphane, il faut que nous mangions. Regarde Natacha, elle va s'évanouir. Là-bas, il y a des racines, mangez-les. Mais et le thé? Comment vais-je le faire? Je n'ai pas de samovar. Tais-toi, tu uses tes forces, respire et vis. Allez, continuez! Est-ce que je vois vos adeptes sont tous féminins? Maître, il y a deux hommes. Qui êtes-vous? Serge Danichev. Vous faites sans doute partie de la secte des... Pas du tout. Je suis spécialiste des bombes à la pancластite. Et j'ai été condamné au bagne pour avoir essayé de faire sauter un train dans lequel voyageait le tsar. Et vous? Quel exil! Condamné au bagne pour terrorisme. Bon, alors c'est fini? Non, il y en a encore un dans cette caisse, mais il veut pas sortir, on dirait qu'il a la jambe cassée. Que deux hommes le transportent dans le canot. Y a-t-il un médecin dans l'île? Vous inquiétez pas, nous avons dans l'île un savant de tout premier ordre qui se fera un véritable plaisir de le soigner et de le guérir. Allez, que tout le monde embarque! Voilà, nous sommes arrivés. Et dites-moi, ce drapeau là-haut sur la citadelle, ce n'est pas le drapeau américain? Une main rouge sur champ noir? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous m'avez menti, En effet, capitaine Van Blouk, ce drapeau est celui de la main rouge. Et nous appelons cette île l'île des pendus. Elle est la propriété des lords de la main rouge, au nom desquels je vous fais prisonnier. Mais je protège... Je vous préviens que tous mes hommes sont armés et que si vous faites un seul geste... Je vois, c'est bon. Je me rends. Puis-je savoir quelle est votre qualité dans cette île? Je suis gouverneur de l'île et je me nomme Job Fancy. Allez. Emmenez-les et enfermez-les tous. Ah non, pas le blessé. Lui, vous le transportez chez Monsieur Bandona. Je viens avec vous. Entrez. Excusez-moi de vous déranger, maître, mais nous avons un blessé. Allez-vous de l'entrée et déposez-le sur ce lit et doucement. Je suis certain, monsieur Bandona, qu'avec votre immense science, ce sera pour vous la chose la plus facile du monde que de le remettre sur pied. Ben, nous allons voir ça. Voyons. Oui. Oui, excusez-moi, je vous fais mal. C'est pas grand-chose. Une fracture simple du péroné. Je vais essayer de la réduire, mais pour cela, il me faudrait des planchettes de bois et du plâtre à modeler. Oui. Je vais vous faire envoyer tout cela, maître. Je laisse donc ce cosaque à vos soins. Il pourra occuper la chambre de ce coquin de peau rouge qui nous a faussé compagnie avec Buridan. Bonsoir. Eh bien, mon brave, comment vous appelez-vous? Ah, c'est vrai, tu ne comprends pas le français. Tu es russe. Heureusement que je parle aussi cette langue. Как вы поеваете? Ah, vous говорите по-русски? Меня зовут Иван Рапопов. Иван Рапопов. Et comment êtes-vous arrivé ici, mon brave Рапопов? Je me suis évadé du bagne et je me suis caché dans une caisse qui a été chargée sur un bateau qui quittait Vladivostok. Ah. Seulement, le bateau a fait naufrage et c'est comme ça que je suis ici. Et ton histoire m'a l'air bien compliquée. Et pourquoi étais-tu au bagne? Oh, pour une pécaille. Un jour que j'avais trop bu de vodka, j'ai jeté un de ces officiers dans des latrines. Eh bien, mon pauvre Рапопов, tu n'as pas de chance. Pourquoi tu dis cela, petit frère? Parce que tu es tombé d'un bagne dans un autre. Cette île est un repère de bandits, de meurtriers et de voleurs. Et je suis comme toi, leur prisonnier. Ça fait combien de temps maintenant que tu es ici, Рапопов? 15 jours, petit Pierre. Pourquoi? C'est curieux. Depuis qu'il t'a amené ici, le commandant Jobfassi n'est jamais revenu. Enfin, tu vas pouvoir m'aider dans mes expériences. Tu dois t'ennuyer, non? Oh, moi, je suis très content d'être ici. Et ta jambe, comment va-t-elle? Très bien, petit père. Regarde, je marche presque normalement. Eh bien, c'est très bien. Bon, dis-moi, Рапопов, si on allait faire un tour dans le jardin avant que je me mette au travail, l'air frais du matin nous ferait du bien, qu'en penses-tu? Quel temps magnifique! Tiens, comme c'est curieux. Il n'y a plus de sentinelles devant la palissade. Que se passe-t-il donc? Dis-moi, est-ce que tu te sens assez solide sur ta jambe pour aller jusqu'aux maisons que tu aperçois là-bas? J'y vais, petit père. Et dépêche-toi de revenir. Alors, quelle nouvelle, Рапопов? Au grand malheur, petit père. Le bateau est parti. Bateau qui t'a amené ici? Je croyais qu'il était à moitié démoli. Les gens des mains rouges l'ont réparé et beaucoup d'entre eux sont partis avec les capitaines hollandais. Ils ont abandonné les pauvres cosaques. Ne t'inquiète pas. D'ici peu, nous arriverons à nous évader et je t'emmènerai en France. Mais raconte, qui as-tu vu? Oh, presque personne. Les maisons que vous m'avez montrées sont vides. Il y avait juste une vieille, très vieille trame. Oui, je vois, ça doit être le père Marlin, le doyen des trames. Je l'ai souvent soigné. Viens, viens, attends, nous allons aller le voir. Bien, comment allez-vous, père Marlin? On se fait vieux, mais ça va. Monsieur le professeur, je vous remercie. Après tout ce que j'ai vu dans ma garce de vie, je... Est-ce vrai, père Marlin, que le bateau hollandais soit parti? Hélas, oui, monsieur le professeur. Ah, il se passe des choses pas bien jolies ici. La majeure partie de la garnison a pris la fuite avec les Hollandais, le commandant Jobfassi en tête. Pas possible. C'est comme j'ai l'honneur de vous le dire, monsieur le professeur. Ah, ce Jobfassi, n'est pas un homme bien sérieux comme ses prédécesseurs, Monsieur Slug et Monsieur Sam Porter. Eux, ils auraient jamais fait une chose pareille. Vous savez ce qu'ils ont fait avant de partir? Non, non. Ils ont dévalisé l'atelier de fausses banknotes et ils ont tout emporté. Vous vous rendez compte? Enfin, c'est pas honnête, hein, tout ça. Oh, n'est-ce pas, monsieur le professeur? Mais la main rouge saura bien les retrouver, allez. Et ce jour-là, la vengeance des lords sera terrible. Mais tout le monde n'est pas parti quand même. Pouf, il reste seulement une soixantaine d'hommes, sans compter les Esquimaux et les femmes russes. Les femmes russes? Elles ne sont pas parties? Non. C'est bien encore autre chose, ça. Elles se sont installées avec leur prophète dans l'intérieur de l'île. Et elles ont pris des amoureux parmi nos gens. Oh, il n'y a plus de moralité de nos jours. Moi, je vous le dis. Une dernière question, père Marlin. Qui est le nouveau commandant? Ah, mon pauvre monsieur, si vous saviez. C'est Montgomery, le plus paresseux et le plus ivrogne de tous. Eh bien, je vous remercie. Portez-vous bien, père Marlin. Viens, Rapopov. Nous allons faire un tour vers l'intérieur de l'île. Dis-moi, Rapopov, qu'est-ce que c'est que cet étrange bonhomme qui vient vers nous? Mais c'est Stepan Romanov, petit père. Le prophète dont je vous ai parlé. Ah, je vois, je vois. Il va sûrement nous apprendre d'autres choses intéressantes. Bonjour, monsieur Romanov. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Permettez-moi de me présenter, je suis le professeur Prosper Bondona. Ah, monsieur, je suis content de rencontrer un homme comme vous à qui je peux enfin parler. Ces bandits de la main rouge sont d'infâmes coquins. Mais alors, pourquoi donc êtes-vous resté? Mais je ne pouvais pas faire autrement, voyons. Ces misérables se sont emparés des jeunes femmes que j'avais converties à ma doctrine, et ils s'en servent. Ah, il y a longtemps que je serais mort de désespoir si je n'avais pas ma doctrine. Et quelle est cette doctrine? Le retour à la simplicité. Pas de vêtements inutiles et malsains, pas d'aliments épicés et indigestes, pas de feu, pas de maison. Voilà le secret du vrai bonheur. Regardez-moi. L'homme nu devient d'une force, d'une beauté admirable. Et la nature, comme elle le fait pour les autres animaux, ne tarde pas à recouvrir son corps d'un pelage naturel. Regardez, cette transformation a déjà commencé pour moi, n'est-ce pas, admirable? Et aucune de vos adeptes n'a encore attrapé de pleurésie? Pas du tout. Ou de fluxion de poitrine? Mais non! Vous devriez venir visiter le vallon où habitent mes adeptes et leurs 29 maris. Un vrai paradis. Il n'y a qu'une chose qui m'intrigue, c'est que la toison de mes adeptes tarde à pousser. Eh bien, j'irai vous voir un de ces jours. Mais tenez, venez avec nous jusqu'à mon laboratoire. J'ai un cadeau à vous faire. Un cadeau? Oui. J'ai inventé un élixir capillogène grâce auquel je peux vous promettre qu'en quelques jours, vos charmantes adeptes seront pourvues d'une toison naturelle aussi épaisse que celle des chèvres du Tibet. Quelle heure est-il, Rapopov? Je commence à avoir faim, moi. Mais il est 3 heures, petit père. Enfin, 3 heures. Ils auraient dû nous apporter le repas depuis longtemps. Décidément, la discipline se relâche ici. Viens, viens. Nous allons aller nous plaindre au commandant Montgomery. Vous comprenez, monsieur Brondona, cela fait un grand dérangement d'aller vous porter à manger deux fois par jour. Ben, je ne peux pourtant pas mourir de faim, commandant Montgomery. Ah, ou alors, si je vous gêne tellement, rendez-moi donc la liberté. Ça, c'est une autre affaire. Ne compliquons pas les choses. Alors, voici ce que je vous propose. Votre Cosaque n'aura qu'à venir deux fois par jour chercher votre repas à la cantine. Comme ça, tout le monde sera content. Alors voilà, puisque cette affaire est réglée, n'en parlons plus. Un verre de whisky, monsieur Brondona? Non, merci, je ne bois jamais. Vous savez, monsieur Brondona, il y a des camarades qui voulaient que je vous boucle plus étroitement. Je leur ai dit que ça servait à rien, que de toute façon, vous pouvez pas vous évader d'ici. Je suis pas aussi bête que ça me porteur, moi. C'est pas moi qui mettrai un aéroplane à votre disposition, hein? Alors compliquons pas les choses. Si vous voulez vous promener dans l'île, allez-y. Moi, ça me gêne pas. Cette île est un véritable Éden. Je n'aurais jamais cru que tant d'essence puisse pousser sous ce climat polaire. Regarde, des sorbiers, des bouleaux, des saules. Une oie sauvage, un vrai paradis sauvage. On dirait que personne n'y vient jamais. Oh, regarde, petit Pierre, là, sur l'arbre. Une main rouge tracée à la peinture. Ça doit être un coin interdit aux bandits et réservé aux lords. Eh bien, continuons de suivre ce sentier. Nous découvrirons peut-être des choses intéressantes. Ah ben, c'est un vrai canyon. Eh bien, je crois que nous ne pouvons pas aller plus loin. Cet énorme bloc de granit coupe le chemin. Bon, ben, tant pis. Faisons demi-tour. Oh, regarde, petit père. On dirait qu'il y a des traces de pas qui continuent sur les rochers. C'est peut-être un passage secret. Rien à faire. Peut-être en appuyant par ici. Ça y est! C'est... Ça alors, un passage secret. Eh bien, allons-y. On s'en va, petit père. Non. Attends. Mais c'est un vrai musée anatomique. Regarde-moi ces vitrines. Des organes entiers qui vivent. Un cœur qui bat. Et là, un intestin. Regarde ces mouvements spasmodiques. Il vit. C'est extraordinaire. Et dire que celui qui a fait d'aussi prodigieuses découvertes est sans doute le chef de ces bandits. On s'en va, petit père. Mais n'aie pas peur, Apopov. Regarde. Je sais que tu ne peux pas comprendre, mais il y a là le résultat de découvertes qui sont encore totalement inconnues. continuons. Ah ! Ah ! Petit père ! Petit père ! Au secours ! C'est vous, là ! Vous ! Vous, vous êtes deux ! Moi ? Ça alors ? En effet, mon gars, en chair et en os, on dirait que je dors, tellement il est bien conservé. Ils ont modelé un cadavre à mon exacte ressemblance. Ils l'ont embaumé. Je me demande comment on a pu truquer un sujet de façon à obtenir une si effrayante similitude. Ah, mais ça y est, ça y est. Le voilà, le moyen d'évasion idéal. Le moyen d'évasion ? Écoute, il va faire nuit dans une heure, n'est-ce pas ? Eh bien, nous allons attendre ici. Ici ? Oui, ici. Et dès qu'il fera nuit, nous emporterons avec nous l'autre Bondona, le faux. Celui qui est là. Allez, allez, aide-moi à casser cette vitrine. Monsieur Bondona ! Monsieur Bondona ! Vous êtes là ? Monsieur Bondona ! Qu'est-ce qu'il peut bien faire deux jours qu'ils ne sont pas venus chercher leur repas ? Monsieur Bondona ! Personne ne répond. Voyons. Nom de Dieu ! Monsieur Bondona ! Il est mort. Bon vieux. Mais cette blessure au front, il a été tué ? Rapopo ! Où es-tu, maudit Cosaque ? Commandant Montgomery ! Commandant Montgomery ! Où êtes-vous ? Je suis là ! Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il y a un Esquimau qui est venu nous avertir que deux des pêcheurs de la baie avaient disparu en emmenant avec eux la plus grande des barques. Nom de Dieu, de nom de Dieu, va falloir que je prévienne de l'ordre ! Quelle histoire ! Il manquait plus que ça. Voilà, commandant Montgomery. Votre message est parti. La réponse tardera sûrement pas. Ah, très bien, très bien, très bien. J'attends. Mais quelle histoire ! Quelle histoire ! Ah là là là là, ça commence bien. Le destin décidément d'étrange tourne dans son sac. Le professeur Bondona vient de s'évader de l'île des pendus et ce sont ses enfants qui venaient le délivrer qui vont y être maintenant prisonniers. Mais au fait, que devient Lord Buridan à bord de l'Ariel ? Que devient-il ? Eh bien, vous le saurez en écoutant la suite du mystérieux docteur Cornelius. Prochain épisode, une ronde de nuit. C'était le mystérieux docteur Cornelius, feuilleton d'Edith Lauriat, d'après le roman de Gustave Le Rouge. 23e épisode, Graves événements à l'île des pendus. Avec Jean Vienner, Maurice Gauthier, Jean-Pierre Lituac, Michael Thomas, Jean Saudray, Pierre Rich. Musique du générique, Jean Vienner, bruitage Louis Matabon, chef opérateur du son Bernard Charon, collaboration technique Noélie Louis-Marie, assistante Brigitte Bouvier, réalisation Alain Barou. Première diffusion sur France Culture, le 27 janvier 1978. Prochain épisode, une ronde de nuit. À réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.